Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un film américain avec un casting de choc. Les États-Unis sont une terre d'espoir pour des milliers d'émigrés de toutes origines. Mais l'espoir a un prix. Certains obtiendront un droit de séjour et se feront naturaliser. D'autres attendront vainement d'être régularisés dans ce pays où tout est à vendre. La prostitution, la violence et la trahison deviendront leur monnaie d'échange, leur ultime recours. Vamos, compadres, action. À votre avis, pourquoi tant de gens sont prêts à prendre tant de risques pour traverser nos frontières? Rentre avec moi. On ne peut pas se faire une place au soleil ici sans papier. Faut que j'arrive à les avoir, et toi aussi. Ouais, bah justement, j'y travaille. Mireia Sanchez, elle a dû encore se faire coffrer. Elle a un petit garçon qu'elle a dû laisser sans surveillance. Si vous essayez de l'aider, vous allez prendre de gros risques. Si c'est pas le bon petit garçon, je reviendrai vous voir. J'ai rencontré un type qui va essayer d'arranger notre situation. C'est moi qui détermine si l'attribution d'une carte verte est justifiée ou non. Vous pouvez m'en avoir une ? Je vais vous expliquer les choix qui s'offrent à vous. Je n'ai jamais compris pourquoi il est entré à la Gestapo de l'immigration. Je pense qu'au fond de lui, il ne s'y sent pas à sa place. Droit de passage, un film de Wayne Kramer avec Harrison Ford, Ray Liotta, un DVD métropolitain.